Trinité, princesse, suscite une violente passion entre deux hommes. D'un côté, il y a le jeune sans le sou, Alain, et de l'autre, le mature et alcoolique, Antoine. C'est le pitch du film érotique Il Corpo, réalisé en Italie par Luigi Scattini en 1974. Au-delà du scénario qui range Proust au rayon littérature d'aventure, Luigi Scattini embauche son pote Piero Umiliani pour la musique. Piero Umiliani, c'est le genre de gars qui a commencé à écouter du jazz lorsque c'était interdit. Ben oui, c'était une drôle de période, c'était sous Mussolini en Italie. Et puis il a composé comme un dingue pour le cinéma d'exploitation, avec un certain génie, il faut le dire, notamment comme arrangeur. Nous sommes en 1974, arrive tout doucement, mais alors tout doucement, en fondu, un extrait de Il Corpo, The Chaser. Et attention, c'est aussi court que bon, tout est dit. Charlie et Dot vivent au-dessus d'un pub et découvrent que leur voisine du dessous, Carole, est une chanteuse sensationnelle. Ils écument les pubs avec leur groupe Talking Drums. Ils enregistrent des cassettes, puis un premier vinyle en 1982 dans un petit studio qui venait d'acheter du matériel tout neuf. Ça tombe bien, en plus ils ajoutent des cuivres, une guitare funky et quelques percussions. Et voici l'entêtant et fantastique Courage. Nous sommes donc à Glasgow en 1982. is something you can't buy. Real peace one day. Jackson. I'll die violent. Tiananmen Square today. Up to the adults to teach the children. Period. A pain reliever. The bullets. Attempting fast money. Violent crimes are on the uprise. So frustrating. Terry Lewis et Jimmy James sont des producteurs qui ont commencé leur carrière avec le groupe The Time. C'était l'un des satellites musicaux de Prince. Janet Jackson, la petite dernière de la famille Jackson, les contacte pour confirmer sa carrière solo. Eh ben oui, il faut un truc puissant pour se démarquer de ses frangins. Tout est à construire, un son, un style, un truc qui marque son époque. Et soudain, c'est l'industriel Nasty qui déchire les clubs. Brutal, agressif, rigide, haché, au groove lourd et puissant. Janet Jackson en powerplay cette semaine dans la nuit des temps. Should I hop or should I do my set? La nuit des temps, l'international de la danse. De Paris. Entre deux ou trois concepts, elle opte pour l'hyperpop et la reprise d'un hit R&B bien de chez nous, Je t'aime de ouf. Juste pour avoir froid et me clôturer dans tes bras. Si tu sais. vous le savez, dans notre bon vieux club qui a la nuit des temps, nous aimons les divas. Et s'il y a une diva à la fin des années 70, une diva disco, une diva paillette, une diva qui chantait qu'elle travaillait dur pour gagner un peu d'argent, c'était Donna Summer. Avec Giorgio Moroder, le célèbre producteur italien installé à Los Angeles, ils auront une influence considérable, notamment auprès de gens comme David Bowie, Brian Eno, Blondie, ou encore toute la musique électronique des années 80, et puis encore plus pour la house. En 1977, en plus de son titre expérimental I Feel Love, qui érotisera la planète entière, Donna et Giorgio publient Once Upon a Time, un album inclassable entre le disco, l'électro et la dance. Parmi quelques pépites, Now I Need You brille sur la cinquième piste. C'est un croisement entre Kraftwerk et le gospel. C'est-à-dire un son complètement inclassable. I need you. La nuit des temps, Radio Dieu. Get shut down by somebody else. 'Cause I again. Mm-hmm. Well, what's up with this guy? Do you really like him that much? Yes, honey, I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me. I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately? L'album sorti en 1986 par Janet Jackson est non seulement une usine à tubes pour elle, mais c'est surtout un outil pour s'affirmer auprès des mecs et garder, comme elle le dit, garder le contrôle. Chaque beat, chaque coup de batterie est une claque sèche. This is the MTA service bus. Don't wait for your bus. Meet it. The real-time bus arrivals and departure. Et oui, c'est déjà l'heure de refermer les portes de notre bon vieux club. On enroule le tapis rouge, on éteint les amplis, on ne touche plus au micro qui crachouille, qui crachote de temps en temps. Et pourtant, ils étaient plusieurs à vouloir rentrer dans ce club ce soir. Par exemple, il y avait Destroyer qui aura inspiré le titre et la couleur de la programmation d'aujourd'hui. It's in your heart now, c'est dans ton cœur, maintenant. Il y avait également Piero Umiliani et ses musiques pour films érotiques. On a également accueilli les Talking Drums, The Go Team, avec un point d'exclamation. Et bien sûr, notre power play de la semaine, Janet Jackson, qui mérite tellement mieux. Il y avait également Mézig, qui ne voulait pas rentrer seul ce soir. La toute jeune et talentueuse Eloi, la diva, l'indépassable, une invitée permanente de la nuit des temps, Donna Summer, DJ Mehdi également, qui nous manque tellement. Et puis tiens, Maurice Ravel, pour fermer notre boîte. Par contre, la nuit des temps est ouverte 24 heures sur 24 sur le site de Radio Duo avec les podcasts, mais aussi sur Instagram à la nuit des temps 2 avec toutes les programmations et les playlists. On les attendait, on les rêvait, elles sont là. Les belles nuits d'été qui arrivent, les belles nuits d'été de Saint-Étienne. On aime bien les petits bonus. Ce n'est pas encore tout à fait terminé, puisque après Ravel, il y aura Bibio qu'on adore. Dans quelques instants, comme à la radio Duo, restez bien sur les bonnes ondes du 89.5 et rendez-vous la semaine prochaine. Très belle nuit à vous. Salut! Thank you. for diamonds.